les lacs, que dans ma chambre s'installera le doute. J'ose à peine croire qu'ailleurs c'est différent. J'avais dit, t'en souviens-tu, ne pas vouloir revenir puisqu'il faut s'obstiner pour échapper au pire. Comme je pense à vous, j'ai eu à vous laisser pour joindre les lacs. Si tu savais, Clara, comme je pense à vous, j'ose à peine croire qu'ailleurs c'est différent. J'avais dit, t'en souviens-tu, ne pas vouloir revenir, mais pour avoir menti, il me faudrait pouvoir sortir. Clara, comme je pense à vous, j'ai eu à vous laisser joindre les lacs. Si tu savais, Clara, comme je pense à vous,